Ok Google, quelle est la meilleure émission? C'est Sbazi Radio tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur hashtag. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! On a les petits jingles de Noël! Oui! Elle me l'a fait mettre 30 secondes avant que ça commence, j'ai stressé, j'ai pas compris, j'ai rien compris à ma je vie. Je voulais mettre ce petit jingle de Noël. On espère que vous allez tous bien. Mais oui, il est 18h, on est en... Direct. Ah non, on est même en avance là, attends, il est 59. Ah oui, il est 59. Oh, et c'est rare. Hein. C'est très rare. Et on est là jusqu'à 19h. Ouais, c'est ça. Bonsoir Sarah, bonsoir Nodjam, bonsoir blague un peu pas. Bonsoir Sandrine, bonsoir, bonsoir Tom, bonsoir tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Oh. Qu'est-ce tout que je monde. Raconte Avant de commencer, bon bah évidemment, bonsoir Esther. Bonsoir Paris. Je te dis bonsoir, oui, bonsoir. Toi, tu me dis bonsoir Paris. Pardon. Ça va ou pas? Ça va et toi, Hugo? Ben ça va, on se rapproche de plus en plus de Noël la semaine prochaine, on rappelle, spécial Noël. Noël. On est très contents. Salut Kelly, Lilith et Chaton qui rejoignent. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Attends, avant le programme, on rappelle évidemment que les replays sont disponibles sur Spotify et Google Podcast gratuitement. Gratuit. Donc vous tapez Sbazi Radio comme c'est écrit en gros sur votre écran. Si vous voulez écouter les premières émissions, les nouveaux qui sont là, vous allez sur Spotify ou Google Podcast ou même sur la chaîne hashtag. Sur Google Podcast. Bref. Ouais, mais c'est mieux de l'écouter sur Spotify, Google Podcast. Comme ça, vous pouvez faire autre chose en même temps. Voilà, exactement. Et en plus, ils sont découpés. Donc voilà. Oui. On rappelle qu'il y a l'Insta et le Twitter qui sont affiché sur l'écran, oui. On met des petits trucs sur Twitter et Insta. Allez comme vous d'habitude. Abonner pour manquer, pour pas manquer les prochaines émissions. Oui aussi parce qu'on les annonce évidemment. Exactement. Et puis qu'est-ce qu'on va faire ce soir comme d'habitude Esther? On va Alors, finir par quoi? On va finir par n'oubliez pas les paroles, votre jeu préféré. Il voilà. y aura trois chansons à comme écouter. D'habitude donc voilà. Une anglaise et deux françaises. Ah quoi que attends j'ai peut-être mis deux anglaises là je me suis peut-être ah non c'est non, bien t'as ça. Mis une anglaise et deux françaises. C'est bien en plus l'anglaise elle est j'ai dire les françaises. Non, elle est Noël. Voilà, notre moment blabla, je ne sais pas absolument toujours pas de quoi on va parler. Ouais, mais on avait improvisation. Ouais, voilà, on va un peu improviser. Les journées mondiales du mois de décembre et pas de la semaine cette fois-ci parce que, ouais. vu que c'est la seule émission normale du mois de décembre, on a voulu faire ça. Ensuite, juste avant, il y aura quoi encore? Il y aura ma petite minute Ariana, les petites yes. news. Et on commence direct avec, vous savez quoi, pas votre moment préféré, j'allais dire n'importe quoi. Ouais. Is you, c'est la musique qu'il y a derrière. Si vous n'avez pas reconnu, c'est Halloween for Christmas, la musique de fond. Là, on va faire quoi? On va commencer par les coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Oh, quel enchaînement alors, de musique on de commence fond. Alors, moi, j'ai pas vraiment de coups de gueule, Hugo. Mais comment ça? Bah, moi, ouais. Mais c'est un peu le même que toi. Enfin, ouais, en fait, je m'en fous. Ouais, c'est gilet jaune, quoi. Oui. D'ailleurs, dites-nous quels sont vos coups de cœur, coups de gueule. Et... Dis-leur dans cette chanson. Ah, ça, c'est mon coup de cœur, c'est bon. Ah bon? Bon, ben voilà. Dites-nous vos coups de cœur, coups de gueule de la semaine. On va les lire évidemment. Oui, on lira tout ça. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette chanson, on en parlera après. Mais d'abord, ouais, le coup de gueule, forcément, c'est le gilet oui. jaune pour tout le monde. Hein, genre surtout les casseurs, parce que bon, ouais, les casseurs. C'est bien qu'ils soient là les gilets jaunes comme ça. Avec ma petite carrette, je paierai moins cher l'essence peut-être. Mais oui. Mais voilà. Après, il y a les casseurs, non, mais après, donc c'est moins cool. Moi aussi, c'est un peu les CRS. Je sais pas si t'as vu des vidéos sur Twitter défiler que, enfin, qu'ils agressaient un peu. Ouais, il y en a, ils jeunes. Sont un peu violents, quoi. Ah non, moi, mon coup de gueule, c'est. Est-ce que vous... Bah, je pense que vous avez entendu la vidéo où les lycéens, ils sont oui. les mains sur la tête à genoux. Oui, c'est un petit vu, peu ouais. choquant, je trouve. Mm. Bon, voilà. Surtout voilà. qu'ils sont mineurs. On va pas rester sur. Voilà, oui, parce que c'est un peu une mauvaise nouvelle. Tom, d'ailleurs, qui moitié nous coup dit... de Il dit quoi? Moitié gueule, moitié cœur. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est bon. Tom qui nous dit oui, mais bon, une minute c'est court pour la minute Ariana. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça dure plus longtemps. On va pas faire une émission. Non, complète, ça dure toujours plus bon. Longtemps. Non, on fera pas d'émission complète Ariana. Bon, ok. N'essaye pas de gratter. Non, il n'y en aura pas. Je suis pas la seule à demander, mais ok, pas de soucis. On verra peut-être un jour si j'ai envie de souffrir. D'ailleurs, bah vas-y, fais ton coup de cœur. Le coup de cœur, alors bon, évidemment, il y a les gilets jaunes, tout ça. Il y a quelqu'un qui a tweeté, alors je sais plus dans quel département, c'est dans l'Aisne. Il y avait devant un kiosque, comme une des journaux, du carton et du papier retrouvé dans les bennes à verre. Et il y a quelqu'un qui a tweeté ça en mettant, alors vos petits problèmes d'émeute, c'est rien, genre en mode... En gros, il y a du carton qui a été retrouvé en gros, dans les à la place vertes. De mettre à la une des journaux, là, les gilets jaunes, tout ça, parce que t'entends parler de partout, ils ont mis des cartons et du papier retrouvés dans des trucs, dans des bennes à verre. Il y a quelqu'un qui s'est Dieu. Dit, bon bah vos petits problèmes de gilets jaunes, hein, c'est rien à côté de ça. C'est vrai. Et ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. C'est vrai que c'est marrant. C'est vrai que c'est quand même... Attends, mettre le carton dans celle des verres, faut être un peu débile, quoi. Ouais, mais attention, c'est plus important que les gilets jaunes. Attention. Hein. Ouh, et on rigole pas avec le tri. Hein. On rigole pas, c'est vrai que le tri, bon voilà quoi. Mon petit coup de cœur, c'est le clip de Thank You Next d'Ariana Grande qui est sorti la semaine dernière, mais on faisait une petite émission spéciale 2010. D'ailleurs, vous pouvez voir en replay sur Spotify ou Google Podcast. Yes. Je fais la petite pub. et voilà, franchement, le clip, il est vraiment trop, trop beau. Et j'en parlais un petit peu dans la minute Ariana parce qu'il a battu des records. Attention, petit teaser. Oui. Ah, c'est bien, ça améliore, Esther. Ah, oui. Et voilà, non, franchement, donc elle s'est inspirée de 4 films... des années 2000, un peu girl power, c'est vrai qu'ils sont un peu filles, mais moi j'adore. Et du coup, il est vraiment très beau, donc allez j'avoue voir si vous l'avez vu, toujours il est très pas sympa. Vu. Oui, tu l'as vu. Voilà. Alors, vous et d'ailleurs, on va s'écouter en entier. Oui, juste après, mais attends, d'abord, lis un peu le chat. Oh, ah, pardon. Calme. C'est vraiment, on va lire le chat, vous parlez, et nous aussi on parle. Voilà. Au final, personne ne se parle entre eux, quoi. Non, vas-y, lis le chat, du coup. Tom qui dit, bah, les casseurs, les gilets jaunes, je dis oui. De quoi les casseurs bad? Tu dis oui. Les mauvais casseurs. Ah oui, bah, pourquoi tu dis oui les c'est mauvais casseurs. C'est bavard l'anglais, Hugo. Oui, non, mais... Excuse-moi, c'est dimanche soir. Hein, faut ah oui, l'App Store a été détruit à Bordeaux, moi j'ai vu ça. Mais ils sont vraiment bêtes, ceux qui ont volé des iPhones, parce qu'ils étaient à visage découvert. Et même, ça va être facilement localisable. Oui, parce que les iPhones, ils sont localisables, enfin, voilà. N'importe quoi. Si Ariana une émission, tiens, on verra. Tu vois, on devrait faire au moins 10 minutes, Ariana. D'ailleurs, attends, il y a Nogiam qui a dit un truc, je l'ai vu passer. Tu as une belle voix, je sais pas comment tu t'appelles, désolé. Mais qui ? Elle parle de qui ? Bah, toi ? Ah, moi ? Bah, je m'appelle Esther. Voilà, Esther, elle est là depuis le début de l'émission, mais on la remarque pas parce qu'on coupe son micro à chaque fois, il y a que moi qui parle. N'importe quoi. Non, je rigole. Voilà, bon, une émission Ariana entière, on verra peut-être. Voilà, tu vois, ils sont trop. Ah oui, il y avait eu Jeff Tuch en gilet jaune. Oui. Je sais pas si tu l'as vu, c'était marrant. Non, j'ai plus en fait. Si, bah, il y a quelqu'un, il ressemble fortement à Jeff Tuch. Ah, et oui, du coup, oui. Il s'est mis, c'était ils ont mis des photos, enfin des vidéos sur Twitter. Les banques et tout. De Bordeaux ont été dévalisées. Ah oui, bah, c'est toi à Bordeaux, quoi. Et, oui, et à Paris aussi. Alors, Tom qui dit oui, ce clip, cette chanson, trop bien, et j'adore le message qu'elle passe, tout à fait. Et bien, ça, on en parlera juste après. Parce la chanson la mettre en entière. Qu'on va écouter tout de suite. La Thank You Next. C'est Thank You Next. Et juste après, il y a la petite minute Ariana. Ma petite minute Ariana, que yes, vous attendez tous. Et juste avant la petite minute Ariana, on va lire le chat. Oui, qui on va lire le chaud. Chat. Et Jeff Tuch en gilet. Oui, non, ça, on a vu. Oui, Hugo aussi. Si je relis il a les une mêmes trucs, voix. C'est pas. Ouais, je sais, c'est mignon. C'est oh. Gentil. Je vous aime, putain, Tom qui dit ça, on adore. Ah oui. Ben... Trop cool, thank you. Next. Mon chat danse, putain. Nous aussi. Alors, blague à papa, attention. Faudrait que je mette mais le en fait bruit. Je n'ai pas compris la blague. Si j'ai été le voir pour qu'il m'explique la blague est en fait parti. Le Rio Grande c'est un fleuve qui sépare les États-Unis du Mexique. Il faut me corriger si c'est pas ça et j'ai déjà oublié en 30 Rio secondes Grande. Ma fille a 3 ans danse en disant next. Ah bon. Eh ben écoute tant mieux. Super. Bah c'est bon, vas-y. L'heure de la minute Ariana, c'est super. Maintenant. Alors, on parle de Thank You Next, justement, le clip qui a battu des records parce que c'est le clip qui a été le plus vu en 24 heures avec très exactement, enfin pas très exactement, mais environ 55 millions de vues en un jour, donc en 24 heures, et c'est YouTube qui l'a dit. Et c'est donc la vidéo, même pas le clip musical, hein, vraiment la vidéo la plus vue en 24 heures de l'histoire de YouTube. C'est waouh. Ouais. T'es fier. Oui, mais t'es oui. T'es fier, trop fier. Oui, oui. Next, beaucoup mon ex, fier. Oui, nous dit Tom. Rio Grande, c'est un fleuve. Oui, bah tu vois, heureusement, j'ai été demandé ce que c'était la blague, hein, parce que je l'aurais pas compris moi non plus. Ouais. Parce qu'on a trop peu de culture générale pour eu. La comprendre. De quoi ? Je n'ai pas eu le truc. Ça va arriver. Du coup, si vous n'avez pas vu le clip, bah, il serait temps parce que bah, quand même, il est quand même un peu famous, quoi. J'avoue, il est pas mal. Voilà, Hugo l'a regardé, voilà. Il a adoré. Je l'ai regardé parce que je savais pertinemment qu'elle allait en parler. Il faut quand même Esther qui ne savoir parle pas de quoi du clip, on parle. Think, ouais, faut que je m'informe quand même. Exactement. Voilà, c'est tout ce que t'avais à dire. Oui, bah voilà, c'était ça ma minute Ariana. Ah oui, donc vraiment une minute. Ah oui, oui. Donc d'habitude, elle me fait, elle me dit, ah c'est trop court, j'ai trop de choses à dire. Là, elle arrive. Non, là j'ai réussi un peu à tout dire. C'est bien. Voilà. Bravo. Et d'ailleurs, l'album Thank You Next sort avant la fin de l'année. Du coup, on adore. Il y avait que Sandrine qui avait compris la blague. Oui, bah. Il sort quand l'album, t'as dit? avant la fin de l'année, on n'a pas de date, mais... Donc avant fin décembre. En 2018, quoi, c'est sûr, ouais. D'accord. Normalement, ça se trouve, elle va changer les plans, mais j'espère pas. D'accord, ben j'espère qu'elle va le sortir vite. Oui, oui. Tu comprends pourquoi. Non, je sais pas compris. Oui, ben tant mieux, alors. Ah, c'est jeune, mais écoute, c'est bon. Alors, tout de suite, on passe à quoi, Hugo? C'est l'heure de passer aux journées mondiales. Je cherche le bouton qui fait les journées mondiales. Attention. Hop. Les journées mondiales de la semaine, non, de, pas de la semaine, du mois, on a dit. Non, du mois, c'est vrai, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, en décembre, les journées mondiales. Alors, attendez, on va juste essayer de nous afficher le chat, parce que Esther n'a plus de chat. Je n'ai plus de chat. Aïe, aïe, aïe. Ne dites pas du mal sur moi. Moi, je l'ai toujours, le chat, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous... En attendant qu'on remette le chat, tout ça, dites-nous ce que vous avez fait cette semaine, on en parlera juste après les journées mondiales. Arrête de m'envoyer des messages, je reviens. Je pars jamais, Esther. Hein? Ah oui. C'est Kelly. Ah oui, oui, mais Kelly, quand je te vois plus dans le... En plus, c'était la nuit Ariana, je me suis dit, mais elle est plus là, quoi. Bon, le chat sera là, Esther. Hein. Super, pas de soucis. Je te le dis, parce que sinon, tu vas pas capter. Alors, mets le bête de Samba. Attention, ah oui. Le bête. Je l'ai... Ah si, j'ai cru que je l'avais pas préparé, attention. Alors là... J'ai préparé une musique pour cette info de Fifou. Vous reconnaissez certainement cette musique qui est très très connue. Ah. In the World. Oui, oui, on la connaît, on s'en bat. Avec les petits sifflets et tout. Oh non. Bah, dès qu'il y a des petits bruitages comme ça, moi ça me plaît. Oui. Alors, c'était la journée mondiale de la samba. Le 2 décembre. L'anniversaire de Kelly. 2010. Oui. Ah, attends, c'est le meilleur moment ça. Vous J'adore. Danser, donc je ne sais pas danser la samba. Donc c'est forcément une journée mondiale qui vient du Brésil. Mais du coup il fait chaud le 2 décembre au Brésil. Oh, est-ce que c'est, là, c'est le carnaval? Non, est-ce que je confonds? Je sais pas quand c'est le carnaval moi au Brésil. Ouais non, je pense que c'est juste la samba en fait. Ouais. Je sais pas, donc du coup c'est une journée mondiale qui a été faite par Luis Monteiro da Costa. Et oh non. Voilà, donc un simple conseiller de Salvador. Et c'était pour rendre honneur au compositeur Ari Barroso. Du coup, voilà, la journée mondiale de la samba. Mais excuse-nous. Ça sert juste à mettre ça. On adore. Beaucoup trop d'ambiance. Samba de Janeiro. Qu'est-ce qu'on avait comme autre journée mondiale? Alors, Esther, j'ai la journée la plus nulle, du moins. Samedi 21, c'était la journée internationale du thé. Alors, je sais pas si vous buvez du thé, moi personnellement, non. Moi non plus, je n'ai jamais bu thé. Oh là là. J'arrête. Oui, arrête. Alors, il existe bel et bien une journée internationale consacrée à la boisson la plus consommée dans le monde, c'est vrai? Je savais pas du tout. Mais en Angleterre déjà oui, parce que c'est... Oui, c'est vrai, c'est... Y a l'heure du thé, eux, c'est l'heure du thé. Ouais. Voilà. Et selon les sources, elle date de 2005 ou de 2007. Et sa date officielle a longtemps été le 9 décembre pour migrer ensuite vers le 15 du même mois. Mais là, c'est le 21. Trop compliqué, quoi, pour une... J'ai marqué 21. Oui, oui, t'as marqué samedi. T'es trompé. J'ai oublié de changer le numéro. J'ai changé le jour, mais... C'était le 15 décembre. Ou alors, j'ai dû me planter encore. Le 15, c'était pas un samedi. Ça. Pourquoi j'ai dit c'était le 15 décembre? C'est même pas passé. C'est le prochain. C'est... Oui, voilà. Oh. Oh là là, on règle les soucis techniques au dernier moment. Ça va pas. Alors, de nombreux blogs la mentionnent sans réellement se mettre d'accord sur une origine précise. Wikipédia, pour sa part, a opté pour la date du 15 décembre. On admet souvent que cette journée a été instituée par les principaux pays producteurs de thé pour rendre hommage à tous ces acteurs de la filière. On s'est endormi. Oui, alors non, mais c'est ton camarade tout ça, mais c'est chiant. Mais oui, hein. Mais je te l'envoie pour que tu essaies d'improviser un peu dessus. Tu lises pas de mot à mot, mais apparemment tu ne le fais pas. Ouais, mais je les lis pas, enfin je le tiens pas, quoi. Tu es décevante, on va réussir à peut-être remettre le chat. Ouais, voilà quoi, c'était la journée mondiale du thé le 15. Donc du coup, lis le chat, voir s'il y en a qui chantent le thé. Alors, qui boit du thé. Alors le thé et les Anglais, c'est un cliché, c'est faux, nous dit Kelly qui est anglaise. Ah bon, elle est anglaise, oui, Kelly? Oui, oui, elle est anglaise, son père est anglais. Ah, d'accord. Ah, c'est dégoûtant, je suis bête car j'ai mangé un camembert et j'avais soif, du coup je voulais boire un iced tea et c'est dégoûtant. Alors mélange camembert iced tea, c'est vrai que ça n'a pas l'air le Par meilleur contre, mélange. L'iced tea tout seul, c'est vraiment la base. Oui, c'est vrai que c'est bon. C'est super bon. Alors Kelly nous dit qu'ils boivent plus de café que de thé. Ouais, mais c'est ouais. Oui, peut-être. C'est vrai, ouais. Nous dit. C'est pas faux. Nous dit Sarah. Clash en live. Ah, oh là. Oh là, ça oh, part non, en clash. Non, faudrait pas quand même. Mais si, pour faire le buzz. Ouais, voilà, c'est ça, pour faire le buzz. Comme la théorie. On a une autre journée mondiale et qui nous plaît pas mal. Alors oui. Attention, j'ai préparé c'est, la petite alors c'est musique. Vendredi 21, donc vendredi 21 décembre. Donc vendredi. Vous allez tous ressortir votre fameux vieux que vous avez au fond du placard. Votre fameux vieux. Oui, non, mais j'attendais que tu dises quoi. Votre fameux vieux pull de Noël. Oh, c'est trop mignon. C'est bien la petite musique comme oui. ça. Oui. Alors bah en fait c'est parce que c'est la journée internationale du pull de Noël. Et à quoi sert vendredi. Cette journée? Et ben en fait bah elle sert à rien. Voilà. Voilà. C'est juste elle c'est est là, tout son charme. C'est elle est juste là comme ça. Alors oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour bien réussir sa journée mondiale du pull oh moche non, tu as mis une de liste. Noël. Alors donc on fait comme ça, phrase par phrase, hein, chacun ? Vas-y. Alors, commencez par choisir un pull de Noël en grosse laine, bien chaud, garni de rennes, de sapins, de boules, de paillettes, bref, la totale, quoi. Nickel. Alors, les motifs naïfs, les couleurs innommables, les pompons, les guirlandes, sauf électriques, hein, sont possibles. Oui, c'est vrai. Le tout, c'est qu'on vous remarque. Si, il y a des pulls de Noël qui s'allument. J'ai tellement envie d'en acheter un, là. Alors, le pire ou le plus drôle, c'est que ouais, cette journée existe vraiment depuis 2011 et qu'en plus, elle devient tendance. Oh, mais moi, j'en avais jamais entendu parler, dis-toi. C'est bien pour ça qu'on fait les journées mondiales. Exactement. On apprend tous les jours grâce à Hugo et Esther. J'allais dire grâce à Kipoko. Non, c'est même pas ça, je crois. C'est bref. Ce truc quiz là. Oui, Kipro quiz. Voilà, donc c'est cette journée mondiale c'est qui fête. Ah, c'est tous les 3e vendredi du mois de décembre, donc c'est pas tout le temps le 21. Ouais. Donc des fois, ça veut dire que ça peut tomber le 25, le jour de Noël. Oui. T'imagines, oui, tu oui. fêtes Noël avec ton petit pull et tout, c'est sympa. Moi, j'ai les bonnets, d'ailleurs, on les sortira pour la spéciale Noël. Oh. Ça pourrait être marrant. Donc, grave. Donc voilà, échange de temps en temps. Forcément, ouais, voilà, vu que c'est le 3e vendredi du mois de décembre, ne reste pas toujours le 21. Oui, ça, donc saurait, tous les 21, on veut vous voir avec des pulls de Noël. Bah non, moi, j'en ai deux, d'ailleurs. 3e vendredi du mois. Oui, oui, non, je suis mais en train là... de dire, c'est pas. Ah oui, non, je veux dire, ce 21 là. Ah, mais elle parle pas française. Ah, mais j'ai oublié. Ah. Bref, ce 21 là, voilà quoi. Voilà. On va voir avec des pulls de Noël. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a des anniversaires à fêter, il me semble. Peut-être le mien. Alors. Peut-être le tien, peut-être celui de Chaton et peut-être celui de je sais plus qui. On va lire le chat. Vas-y, lis le chat. Alors, Kelly qui rebondit sur ce que disait. Sur ce que disait Nojiam. Ouais, voilà, je sais pas comment dire. Je suis en train de boire de l'iced tea. Bah super, d'accord. Ça dépend des jours en fait, en vrai. Je sais plus de quoi elle parle. Attends, j'ai pas compris. Ça dépend des jours en vrai. Je pense qu'elle disait jour. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Esther doit être belle enfin, même si on l'a jamais vue, elle est belle, mais crotte. Je crois qu'il y a ton Insta dans la description. Oui, ah bon? Mais c'est, oui, c'est gentil. Non, il y a ton Twitter, il n'y a pas ton Insta. Ah non, mais on me voit un peu sur ma photo de profil Twitter. Yes. Mais c'est super gentil, sauf que Esther, ça s'écrit E-S-T-H-E-R. Voilà. Merci. Et moi, sinon, je suis beau aussi, je sais. Même si on m'a jamais vu non plus. Mais en fait, quand elle dit crotte, elle parle de toi ? Ouais. Ah d'accord, j'avais pas compris. Bon, vas-y. Bah, Esther a eu un 9 pull de Noël cette semaine. Ah bon ? Oui, mais c'est un peu un pyjama, quoi. Alors moi, je veux le vrai pull qui clignote et tout. Oui, choqué moi j'en ai en laine. Choqué déçu, il n'y a pas de journée mondiale pour mon anniversaire. Non, mais t'inquiète pas, la semaine prochaine, on le souhaite. Parce que d'ailleurs, c'est son anniversaire le 16 à Chaton. Ah, hein, toi aussi, t'es une Sagittaire, Chaton. Yes. On adore. Ouais, moi, ah bon, c'est Sagittaire le bon, d'accord. Oui. Okay. On oui. en apprend tous les jours grâce à Sagittaire Radio. Oui. Il y avait même un concours de pull moche. Ah bon? Ah, mais il faut qu'on participe à ce truc. On le gagnerait. Mais oui, carrément. Totalement. Quand j'étais petite, j'avais un. Attends, faut qu'on mette un costume de Noël complet. Mais oui, on adore, sauf fond, que Noël ça s'écrit N-O-L, il n'y a pas deux L-E. Ouais. Mais c'est pas grave, on oui, est là aussi pour corriger les fautes de français, c'est pas dire voilà, radio. On en apprend tous les jours, ça se Exactement. Qu'est-ce qu'on a oublié? Chacha, j'ai oublié, c'est quand on annule le 16 décembre, comme ouais. elle vient de le dire. Bah, ça va. Se retrouver sur ma fille de 3 ans, bah grave. Elle prend tout ta fille de 3 ans. Oh, non, là-bas. Chacha, ok, j'ai hâte d'être le 16 décembre juste pour toi, Chacha. Quoi? Même pas pour nous, on fait une spéciale Noël. Oui oh. Ah, bah oui, d'ailleurs, faudrait ouais. avoir Elle est sur la chaîne, vous pouvez déjà mettre le rappel. Et le 30, on aura une spéciale jour de l'an. Et monsieur Blague à Papa viendra chanter une chanson. Maintenant, il a pas le choix, maintenant que je l'ai annoncé. Oh du coup, il viendra chanter une chanson en karaoké. Ça risque d'être drôle. Enfin, rien que quand nous on va chanter, ça va être drôle. Et il y aura Alice, une pote à nous, qui viendra aussi. Oui. En plus, donc on fera une émission à trois. Voilà, on aura un guest. Une le troisième acolyte. Voilà, exactement. Et merci Kelly, c'est vraiment trop mignon. Kelly qui est voilà. Ma cousine, je le répète. Oh là là, c'est trop mignon. C'est, j'avais un peu une voix de pétasse, je vous quand je l'ai dit, c'est trop mignon quoi. Voilà, bref. Sinon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait cette semaine. Racontez-nous toute votre vie. Mettez le j'aime au live. Oui, mettez un petit like à ce live. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait cette semaine. Et on en parle juste après la chanson que tu m'as demandé tout à l'heure. C'est Promises de Calvin Harris featuring Sam Smith, que j'adore sa voix d'ailleurs. On se retrouve juste après pour notre petit moment blabla. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Dites-nous le dans le chat. Tonight. J'adore cette chanson. À la fin. Oui, mais j'aime trop cette chanson. Je trouve elle est relaxante. Elle est relaxante. Oui, j'adore. Est-ce qu'une petite musique relaxante ne ferait pas de mal? On va s'endormir là. Tu veux qu'on s'endorme? C'est la musique que j'avais mise pour ton histoire de caddie. Ah oui, c'est vrai. Qui t'avait beaucoup plu, je me souviens. Non, je rigole. On va mettre une vraie musique de fond pour parler de ce qu'on a fait. Oui, bah d'ailleurs, pendant la musique, semaine. Hugo vous a demandé ce que vous avez fait cette semaine. Et oui, vous avez été énormément à répondre. Et juste avant de parler de ça, on va vous dire ce qu'on a prévu de faire pour les spéciales Noël et jours de l'an. Donc, spécial Noël la semaine prochaine, jour de l'an, oui. Le 30 décembre. Ouais, j'allais dire janvier. Non, non. Non, le 30 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour la spéciale Noël, tout simplement? Alors, on fera des... sondages. Ah oui. J'ai des mimes, quoi, je m'en souvenais plus. De lui faire un mime, mais... C'est un sondage, ça m'aide beaucoup, quoi. Donc, on fera des sondages, donc, oui. Par exemple, quel est le moment préféré du repas du réveil? Ouais, par exemple, vous préférez la bûche ou la dinde, des trucs comme ça, quoi. Oui, ou le moment plutôt, genre le dessert, le plat, parce que généralement, on fait entrée, plat, dessert, et après dessert et digestif, et ensuite, il y a le dodo. Ça sera un peu ludique, quoi. Après, est-ce que vous ouvrez les cadeaux le soir tard ou... ou le lendemain matin. Quand le Père Noël est passé. Oui. Ou le lendemain matin. Que le Père Noël existe. Oui, il vole au-dessus de nos têtes. Oui. Il prévoit si vous êtes sage ou pas. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Forcément, des musiques de Noël, on ne peut pas passer à côté. Il y aura peut-être pas de N'oubliez pas les paroles Noël, on verra peut-être. Bah si. On verra. On discutera aussi des pires en tout cadeaux. Cas, qu'on a eu. Oui, il y aura une minute Ariana de Noël, vous inquiétez pas. Aussi. Et il y aura des chansons de Noël à tout va. En veux-tu, en voilà quoi. En veux-tu, en voilà. La spéciale. J'allais dire la spéciale Paris parce que je viens de voir le commentaire ou le déplacement Paris. Mais non, la spéciale jour de l'an. Donc on vous a dit il y aura Alice avec nous. On fera des karaokés. Voilà, des karaokés. Et bah en fait, on mettra quelques musiques entières pour se reposer. Oui, oui, oui, quand même. Non, enfin, se reposer sera bien un grand mot. On mettra des musiques quand même, on peut s'éclater. Oui, histoire de faire reposer notre voix plutôt. Ouais, mais voilà. Mais on peut, à la place par exemple, qu'on met des musiques entières, on chantera en karaoké les musiques. Voilà, voilà. Et ça durera certainement beaucoup plus longtemps, type 1h30, 2h, parce que. Presque 2h. En fait, on voudrait fêter le jour. En fait, on fera comme si on fêtait le jour de l'an, mais en émission de radio. Avec voilà, vous. Et comme ça, vous serez dans l'ambiance et tout. Et aussi, on va faire un espèce de récapitulatif musical de 2018. De l'année 2018. Donc, on fera par exemple top 5 de des musique. Chansons les plus streamées en 2018. Plus que top 5, hein, ce sera facile à top 20 qu'on fera tout le long, pourquoi pas. On ne va pas l'étaler tout le long, on demandera vos chansons préférées de 2018, vos chansons qui vous ont le plus fait emmerder en 2018 qui vous aussi, ont plus parce saoulé, qu'il y en a plein qui ont été hyper saoulantes, donc voilà. Donc voilà, ce qui est à peu près prévu, on espère que vous serez là évidemment, comme ça vous préparez ce votre réveillon. On parlera aussi, on parlera aussi de vos pires réveillons et de vos meilleurs réveillons de Noël et de jour de l'an. Et aussi Noël, on parlera de vos pires cadeaux et ou du cadeau le plus rigolo que vous avez eu. Ouais, ou le meilleur cadeau au monde. Voilà. Vos petites traditions de Noël, tout ça, tout ça. Ouais. Donc, moi, j'en ai plein, on essaye de prévoir pas mal de trucs pour que ce soit sympa et différent aussi par rapport d'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, Esther? Alors, on commence à lire un peu le chat et on fait un peu de toi. Exactement. C'est alors, parti. Blabaga Papa, il a fait une petite balade en Allemagne au marché de Noël de Cologne. C'est vrai que ça me donne trop envie. J'avais vu. J'ai vu des photos. C'est super beau. Mais oui, c'est ça un peu a comme l'air. En Alsace. J'avais fait Noël en Alsace il y a deux ans. Oui. Et c'est super beau. C'est tout décoré et tout. C'est waouh. Ça a l'air vraiment beau. Ensuite, Tom qui nous dit j'ai pécho. Non, je rigole. Ça nous a bien fait rire. Oui. Pas tout à fait. Sinon, cours et préparatif jour de l'an et Noël. Ça, on adore. Nous, moi, j'ai toujours pas fini. Là, je vais me faire engueuler parce que j'ai toujours pas mis la crèche sous le sapin. Oh my god. Attention. Non, mais quand même. Mais voilà. Mais sinon, les cours comme d'habitude. Ouais. Écoutez. Et pour font le boulot en plus, la balade à Cologne. Ça bosse dur. Hein. Bah oui, c'est ça bosse très dur. Toi, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, Esther? Alors, moi, cette semaine... alors, bah, hier, je suis allée voir... Attends, est-ce que c'était hier? Oui, c'était hier parce que ta mère voulait que je vienne. Ah bon? Ouais. Comment ça? Comment ça? Parce qu'elle m'a dit, ouais, elle est pas trop motivée. Si tu venais, elle serait contente. C'est une blague et je suis même pas au courant. Mais c'était pour la surprise. Ah oui, d'accord. Et t'as coup, pas pu venir? Je pouvais pas, non. Bah ouais, ok. La prochaine Bref. Fois, si tu veux. Oui, non, mais voilà. Bon, je suis allée hors du gospel. C'était un peu chiant, mais genre, si ce serait Ariana qui c'est chantait, chiant, c'est sûr hein. que j'y serais allée. Mais en vrai, j'aimerais mais trop voir Ariana chanter. Mais dès que c'est Ariana, ça change tout, hein. Oui, c'est clair. C'est qui dit, oh, Hugo va finir le sapin, il est fini. Mais il fait son émission, là. Eh, oh, je peux pas tout faire. Oh, je vous jure. Et si vous voulez, je prends le micro sans fil, je finis le sapin en direct. Hein. Oui. Moi, si vous voulez, je le fais. Hein. Alors, non, Kelly qui dit, moi, perso, dur cette semaine. Et j'ai hâte d'être à demain. Pourquoi demain, il y a... Pourquoi demain on profite du dernier instant du week-end. Oui, c'est vrai. On termine demain, le c'est week-end lundi. En beauté avec Xbazi Radio. Bon, après, il y en a qui ont travaillé. Voilà, déplacement à Paris, comme d'habitude. En écoutant Xbazi Radio sur Spotify, hein. Oui. On n'oublie pas, quand Totalement. Vous prenez le train, tout ça, vous écoutez le replay. Et puis, voilà, hein, le travail, comme d'habitude. Ouais, nous aussi, c'était ça, hein. Oui. Il n'y avait pas. Si, il y a eu encore les blocus un peu. Enfin, non, il n'y en a pas eu, toi. Si, mardi, il y a un blocus. Mardi prochain ? Ouais, non, mais je mardi. Parle de mardi dernier. Ah, mais non, il n'y a la pas. Semaine cette semaine, non, la semaine dernière, il n'y a pas eu de blocus. Non, moi, ils ont juste fait cramer une poubelle, c'est tout. C'est ouais, pas, super, bon, quoi. Putain, voilà. Oui. Et puis, voilà. Je me suis ambiancé aussi en signe. Signe, c'est une matière, au fait, on est sur les ordi. Oui, donc, ouais. Et je, pendant 3 heures le petit matin. Ah oui, tu m'avais matin, envoyé en photo. J'avais besoin de me détendre, du coup pendant 3 heures il y avait la musique sur l'ordi. Le prof il le voyait, mais il s'en foutait totalement parce qu'il sait que je bosse bien et tout, que je suis sympa. Et oh tout ça, là donc, là, les chouchous. Donc quoi. Voilà, totalement. Et du coup, je mettais ma petite musique, j'ai mis All I Want for Christmas et oui. tout. Vous aurez vu le nombre de musiques, mais pourries que j'ai mis. Mais c'était drôle, j'étais le seul à m'ambiancer, mais c'était marrant. Bah voilà, ouais, comment s'occuper en cours avec Hugo. Nous on a double crèche à la maison sous le sapin, hein, carrément. Oui, bah non, ouais, il y a. Nous, on en a qu'une et encore, faut que je la fasse. Ouais, avec voilà. des petits lampadaires et tout qui s'allument. Pour l'instant, on pas. Les trucs qu'on voit à Jardi Passion. Ah, d'ailleurs, ouais, on a été à Jardi Passion, donc c'est le magasin comme Jardiland, machin truc là. Ouais. Et à des guirlandes, du coup, là, on a acheté des petites décos pour mettre dans le sapin, les petites boules de Noël un peu partout. Ouais. Et après, on a été à un autre magasin, c'est Maxi Bazar là sur la route. Non, l'ancien ça McDan. Me dit rien du tout. L'ancien McDan. Non. Oui, bah, je connais rien. Et ben du coup, on a été acheter une guirlande électrique pour le sapin, sauf qu'on n'a pas vu, elle faisait 20 mètres de long. Ah. Du coup, c'est, ben, c'est on peu, l'a bah, mise. Mais t'es là dehors, ah oui, c'est vrai, tu me l'as non, dit. Non, on l'a mise, mais maintenant le sapin ressemble à Versailles. Donc voilà. Désolé, je tousse. Elle est malade. Oui. Oh là là, j'arrive pas à parler. Donc, voilà. Parce que c'est une nouvelle semaine, donc j'espère que ça sera mieux. Il reste deux semaines avant les vacances. Deux semaines. Ouais. Tenez et bon. 9 jours avant mon anniversaire. Et 7 jours avant la spéciale Noël. C'est bon. Et je sais pas combien trop. Avant Noël. Ah 25 moins 15 jours, 15 jours, 15 jours, okay. 15 jours, 15 oh, jours. Oui. 15 jours. Yes. Fayou, ouais, mais tu seras content après mais quand ils vont dire que je travaille Noël bien au conseil. Ce sera combien Noël? Ce sera le Noël, ce c'est sera le 25. Mardi. Non, mais je parle de ah jours. Je crois que c'est le mardi. Attention, mardi. Vérification. Ouais. Et le réveillon, c'est lundi. Oui, oui. Parce que nous, on fête plus le réveillon que parce le lendemain, oui, on dort. Hein. Moi, on a bien picolé tout ça. On en parlera dans la spéciale Noël la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a prévu d'autres trucs la semaine prochaine? Ah oui, d'ailleurs, la spéciale Noël, on a oublié. On va s'offrir un cadeau. Je n'ai toujours pas trouvé. Alors, moi, j'ai un petit cadeau. Non, mais ne dis pas. Non, même pas donnez-y. Ce sera surprise. D'accord. D'accord. Bon, ok, je donne voilà. pas d'indice, mais ok. Allez, avant les vacances, j'ai mon examen et mes représentations. Ah bah nous, non. Mais nous, tu es en quelle classe, Tom? Genre quel niveau? Ça, je crois, on le demande à chaque émission, à quelle classe ils sont. Non, on a demandé. Ah bon? Il me semblait. Peut-être voilà. Toi dans tes lives. D'ailleurs, ouais, moi, c'est la semaine prochaine. On va dire ce qu'on a prévu de la semaine prochaine et tout. Vas-y. Pourquoi pas? Écoute, c'est la seule émission normale qu'on a du mois. Et en plus, on a le temps, donc profitons oui. du temps qu'on a. Du coup, ouais, la semaine prochaine, moi, j'ai le conseil de classe jeudi à 18h. Je vais mourir. Alors, non pas parce que je vais me faire défoncer, parce que ça, normalement, à part bavardage par-ci, par-là, et je peux faire mieux, ce que je ne ferai pas, ouais. C'est le fait que j'aurais fait 8h, 18h juste avant, et que j'aurais eu 2 heures de physique avec une prof que j'aime pas, et qui a envie de nous défoncer dès qu'elle nous voit. Mais qui? La prof de physique. Ah. Et je l'ai juste avant le conseil, donc ça va être dur, hein. Mais bon, j'amènerai mon petit goûter, tout ça, tout ça. Oui. Je me mettrai bien. On a eu la soirée de Noël de ma boîte vendredi et ma teug de fille, Bérénice, s'est connectée au Bluetooth de l'ordinateur de la sono de la soirée et a mis ses musiques. Oh, mais wow. C'est génial, moi je veux faire ça. Elle c'est a pareil. Ramené la coupe à la maison, quoi. Non, oui, non, c'est vrai que oui, ça, c'est, là, non, ça aurait c'est... été mieux la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Non, ce qui est bien à faire, c'est quand on est à Alinéa ou Ikea et tout ça, qu'il y a des miroirs connectés ou des enceintes connectées et tout ça, et qu'il y a marqué « Testez-nous », même quand il n'y a pas marqué, vous vous connectez dessus, vous vous mettez dans un rayon à côté, vous mettez la musique à fond et c'est marrant, tout le monde se enfin voilà, se demande d'où ça vient. Mais tu parles de quoi? Oh. D'accord, elle a déjà perdu le fil. Je lisais le chat en fait. Je disais de mettre des musiques sur les trucs Bluetooth dans les magasins. Oui, oui. Voilà. Oui, c'est vrai, vous en avez déjà mis dans la télé de l'aéroport. Ah oui, on se connectait à la télé de l'aéroport en Allemagne. C'était voilà. Marrant. Oui. Enfin bon, voilà, tous les trucs qu'on peut se connecter, évidemment, on le fait. Hein. Voilà. D'ailleurs, Bastien qui dit, nous, on nous donne jamais des idées comme non, ça. Jamais. C'est les frères Gaillon qui lui ont donné l'idée de faire, ben voilà, tu vois. Et oui. Je suis un bac plus 1, je suis... Dans DS, une école d'acting. D'acting, c'est d'acting, acteur. Genre d'acteur. Non, c'est vrai. C'est ça, hein, je pense. Non, j'aimerais trop. Il va venir nous faire une petite pièce de théâtre, mais non, oui. Les acteurs, c'est pas totalement pareil. Hein. Non, les acteurs, c'est plus cinéma, genre. Et il faut pas leur donner des idées, comme parce qu'après, ils vont nous demander de faire une pièce de théâtre en vidéo. Et non, non on n'en fera pas. C'est hyper gênant, quoi. Totalement. Ah oui, oui. Enfin, bref. Ah là là, bah voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? Toi, la semaine prochaine, t'as rien d'autre de vraiment prévu? La semaine prochaine, non, j'ai rien d'autre. Enfin, je fais le décompte jusqu'à mon anniversaire, quoi. J'ai hâte. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire comme alors, cadeau? Alors, moi, j'ai commandé une palette maquillage Huda Beauty. Toujours que j'ai du maquillage, hâte d'avoir. Encore. Enfin, en fait, comme mon anniversaire et Noël, ils sont à une semaine d'écart, je commande et c'est ma mère, elle choisit si elle me l'offre soit mon anniversaire, soit Noël, quoi. Oui, en plus du cadeau du Père Noël à Noël. Évidemment. Oui, en plus du cadeau du Père Noël, c'est vrai. Alors, donc, une palette Huda Beauty, un petit haut à sauce, papinqué de hanneton. Qu'est-ce que je raconte? Bref. Des vêtements. Oui, une enceinte JBL et... c'est laquelle? Je sais pas. Je sais pas. C'est n'importe laquelle. T'as pas une image? Elle est waterproof. Attends, je clique dessus. Ah, oh, attention. En plus, fait, elle est passée chez Orange, maintenant elle est contente, ça marche mieux la 4G, tout ça. Oui, enfin, c'est elle... ça. T'es connectée. Oh. Charge 4. Carrément, elle a pas commandé n'importe quoi. Ah oui, non, oui, elle est plutôt chère, mais ouais, voilà. Ouais, plutôt bien, quoi. Et une paire de Nike, comme ça. Carrément. Les M2K Techno. Montre, attends, que je vois. Voilà, oh. Donc j'ai hâte de les avoir. Bah, du coup, ça charge maintenant que t'as appuyé dessus. Oui, mais t'inquiète, ça va arriver. Ça va arriver. Ah oui, elles sont sympas. Elles sont sympas, oui. Elles sont sympatoches. Ah non, ça c'est une madame. Elles sont sympatoches. Ouais, bah ouais. Voilà. En bombe. Et moi j'allais dire ce que j'ai commandé, mais non, je suis bête parce que j'ai pas mon anniversaire moi. Et oui, c'est dans 6 mois. Et oui, non. Enfin, pour être comédien et acteur. Ah bah, on espère que tu réussiras. Et hein. C'est quoi comme école, Tom? Voilà, moi j'aimerais savoir et c'est où? Parce qu'elle veut faire actrice, Esther. Exactement. C'est vrai? Bah oui. Ah, je savais pas. Mais tu savais pas? Non, j'ai sorti ça comme ça. Tu te savais pas? Bah non, tu me l'as pas dit. Mais je le dis à tout le monde. Tu me l'as pas dit? Depuis le CP. Je suis pas dans ta classe! T'es taré. Mais si. Elle me l'a pas dit. Bon, je suis bah déçu. Écoute. Choqué, déçu. Du coup, tu veux faire acteur? Actrice. Acteur, oui. Non, mais... oui. Bah oui, mais depuis le CP, je veux faire actrice. Ah, bah écoute, bah, mais, je savais tu pas. Le savais, en plus, je m'en souviens que je te l'ai dit. Non, tu me l'as jamais c'est dit. C'est pas grave, je prends pas mal. Mais moi, je m'en souviens pas. Et toi, tu te souviens de ce que je veux faire? Bah oui, tu veux faire animateur radio. Bah non. Non, je veux pas faire animateur radio. Tu veux faire vendeur de vêtements? Mais non, c'est ça. Si, je sais. C'est de la merde. Ah là là, on s'embrouille. Ah, vas-y, mets une petite musique de merci. Fond. Oui, bah attends, elle vient de s'arrêter à l'instant. Oh, ah. Allez, hop, on met celle-là. Et... on l'entend ouais. Quasiment pas, mais attendez. Oui, c'est vrai. Mais là, du fait voilà. Qu'on l'entend. T'es contente, on l'entend maintenant? Je suis contente. Voilà. On est tous... Attends. Merci, FRGN. On est tous pas chez Soch. Ah oui, d'accord. Ah Et voilà, oui, bah, c'est très... bah, si vous voulez un mois gratuit sur votre forfait, vous me demandez, hein, je vous mets le lien de parrainage, comme ça je paye pas un mois aussi. C'est votre façon de faire un don si vous voulez. C'est l'Actin Studio à Lyon, tu peux y rentrer dès tes 16 ans, renseigne-toi, il y a un site internet. Ah, mais trop cool! Ben, mais voilà. En fait, vous faites ouais. Genre des cours de quoi en fait? Genre, il faut rentrer comment? Genre, c'est sélection, tu fais des auditions pour y rentrer et t'apprends quoi? Voilà. On part sur des conseils d'école supérieure, tout ça. Oui, oui, oui, oui. Écoute, hein, mais tu sais, ça se trouve, c'est un peu comme les écoles de sport aussi où tu fais mi-sport, mi. Tu sais, comme. Ouais. Comme Théo, il a fait là. Ouais. Où tu fais tes cours normal, mais tu as aussi des cours. Je pense que c'est peut-être un truc comme ça à partir de 16 ans, ouais, l'école peut-être. Qu'il a. De toute façon, il va nous le dire. Ouais. Oui, un bateau, mais galion avec un seul. Ah, oui, d'accord, vous êtes tous avec les bateaux là, dans votre histoire de bateau. Pas trop compris. Ouais, si vous voulez, je peux parrainer, comme ça j'ai des mois gratuits. Parce que moi, du coup, ça, je paye pas mon forfait. Oh, c'est la marrant. Chance. Et c'est cool, du coup, je peux faire des hors forfaits pour jouer sur énergie. Bah ouais. Voilà, du coup, bon, bah, ça part en conseil. Si vous voulez des forfaits pas chers, venez chez moi. Chez Soch. C'est votre là, j'ai réussi à le dire. Oh, non, mais dis pas, t'arrives pas à le dire chez Soch. Je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Ah, je me suis gavé. Les chaussettes d'archiduchesse sont celles sèches ou archi-sèches. Attends, un on chien, pas... sachant sacher, doit savoir chasser sans son chien. Oula, mais qu'est-ce on que va... je raconte? On va pas partir là-dessus. Voilà, est-ce qu'on se ferait pas le n'oubliez pas les paroles après là? Parce oui. que là, on commence à assez. Ah, attends, c'est sur une audition MDR. Et c'est que des cours de théâtre acting ça, et de rythmique. Ah, oui, d'accord. Ah, bah, c'est cool. Every time. Mais tu dois t'éclater. Mais tellement, tellement bien. Mais écoute, mais je vais me renseigner. Encore au bout de 3 ans, c'est que. Est-ce que je pourrais avoir le nom, Tom? Et ce serait parfait. Ouais, voilà, bah, au pire, renseigner. Tu regarderas sur son Twitter. Je te le passerai, je l'ai. Je t'en passe sur Twitter si tu peux. Je ça l'ai va. Son Twitter, je te le passerai. Super, ben, ouais, bah, au pire, oui, voilà. En fait, tu me répondras sur Twitter, t'inquiète voilà. pas, on parlera en DM. Yes. Tout de suite, on se fait I'm a mess. Ah, cette musique, elle est trop bien. Je l'adore, en fait. Voilà, et juste après, on aura notre N'oubliez pas les paroles. Oh là là, bon, bref, I'm a mess, bébé Rexa. Et juste après, si n'oubliez pas les paroles, on aura juste le vidéo. Wow. On s'est beaucoup trop ambiancé ici. Et vous aussi apparemment. Vous l'avez dit dans le chat. On lit le chat juste avant de passer à la trompette. Yes, ce jeu ma vie. Pas de soucis Esther. C'est les, le jeu des phrases. Suis-je bien chez ce chercheur? Ouais, bon voilà. Vous avez compris. Tu veux faire quoi plus tard Hugo du coup? Bah animateur radio, on l'a dit tout à l'heure. Faut écouter Sandrine hein. Oh. Et dis donc, je rigole. Je ne connaissais pas la phrase de. Ah oui, mais celle-là, elle est horrible. On danse tous à la maison, yes! Évidemment, comme nous, parce que nous, on met une ambiance ici. On est deux, mais on s'ambiance. Voilà, normalement, elle est compliquée à dire. Mais elle est hyper compliquée à dire. Suis-je bien chez ce Attends, cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Wow. C'est dur, t'as vu? J'ai réussi. On avait essayé de la faire à ma tati, elle n'avait pas réussi pendant une heure, elle a ouais, essayé. Donc, suis-je bien chez ce chercheur? C'est bon. C'est pas grave. Oui. Bah, non. Moi, bah, oui. Si, Hugo, oui, mais elle le sait, parce qu'elle vient de là-bas. Voilà. Sinon, il y a aussi la France se désolidariser. Ah oui, d'accord, ok. Oui, la France se désol... Attends, se... désolidarise-t-elle non, se... non, la France se désolidarisera-t-elle un jour? La France se désolidarisera. Faut arriver à le dire. Ouais, mais c'est bon, Bastien, tu nous saoules. Tu viendras nous le faire pendant le coucou de Bastien. Voilà, tu viendras faire ton coucou de Bastien. Et attention, on passe à la trompette. Le N'oublie pas les paroles, évidemment, c'est deux chansons françaises, une chanson anglaise, comme d'habitude. En plus, une chanson anglaise cette année. On n'entend pas Esther. Mince, j'ai oublié de lui démuter le micro. Catastrophe. Bon, du coup, elle avait pas dit des trucs très importants. Si, si. Vas-y, refais les phrases que tu as réussi à dire. Alors, attends, bah, on va. Suis-je bien chez ce chercheur? Alors, tout ça, oui. T'es arrivé à dire. Ah, mais c'est. Bah, ouais, en fait, j'ai réussi à dire suis-je bien chez ce. Bon, bah, en fait, coup, j'ai réussi à le dire et ça m'énerve parce que personne n'a entendu. Donc, je vais la redire. Suis-je bien chez ce chercheur? Bon, voilà, j'y arrive plus. Voilà. Voilà. Non, mais là j'ai c'est la bon, Esther, elle est de retour. Je suis dégoûtée et je disais, Bastien, tu viendras les faire toutes à ton coucou. Et la France se désolidarisera-t-elle? Oui, j'avais essayé de la faire. La France voilà. se désolidarisera-t-elle un jour? Oui. Voilà. Bref, voilà. Et oui, il y avait aussi le truc des chaussettes d'archi. Enfin, moi. Ouais, voilà. On mais va en pas tout cas, les Bastien, faire. On les fera tu pour fais, le coucou de Bastien tout voilà. à l'heure. Tu les diras toutes. Est-ce qu'on commence pas avec la première chanson? J'avais envie de mettre des trucs drôles, un peu vieux. Voilà. En fait, et il donc... était pas éteint mon micro, c'est Hugo qui l'avait pas démuté. Écoutez, on n'a pas du matériel de pro, peut-être après Noël. Mais voilà. Peut-être après Noël. Ça, attends, il y aura attends, plus des incidents comme ça. On fera la TN après, Tom. On passe une bulle par les paroles. Attention, premier extrait, c'est James Laboulette. Comme un goût de boulette sur les ondes. Alors, ouais, on déconne, ouais, on étonne. Et c'est parti pour la trompette. Oh. Alors, je vais faire un petit récapitulatif des points. Alors, il y a 6 à 9 mots à trouver. Ça dépend si vous comptez les mots en les trucs en astérix comme un mot. Et oui, puis, oui, voilà. Bel exercice de diction. Oui. Il y a un problème de micro à chaque émission. Oui, c'est non, vrai. Non, pas du tout. Tu dénonces, Kelly, tu tires à balles réelles. Comme disent les jeunes. Comme disent les jeunes. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a bien changé. On avait Bastien qui est le king du N'oubliez pas les paroles avec 22 points. Inès qui est la queen avec 21 points. Tout derrière, il y a Kelly avec 13 points et Béré aussi 13 points égalité. Tom qui en avait 5. Freeway 6 qui n'est pas là. Sandrine 8 points. Chaton 2. Lilith 1. Blague à papa 2. Voilà. Voilà. Alors, attends, ne dis pas s'ils ont des bonnes réponses ou pas parce qu'on va écouter. Dis ce qu'ils ont proposé et on va écouter la bonne réponse juste après. Parce qu'il faut laisser le suspense, comme c'est écrit en gros. Oui. Alors, Kelly qui dit arrêter de mettre des chansons françaises, je sais jamais rien, mais tu es nul. Tu es nul. Bref, c'est... Alors, il y a Tom qui a dit c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Sandrine qui dit si blague à papa, comprends pas le message pour le cadeau de Noël. C'est vrai que là, tu l'as répété un peu souvent. Quoi. Je l'ai un peu répété pendant 3 semaines. On déconne. Chaque émission. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Ah là, Inès l'a rajouté même 2 mots. Attention, et est-ce qu'ils sont... Il a compris, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Attention, bon. Nous allons écouter. Je fais les bruitages à la bouche, hein, excusez-moi. Vas-y. La bonne réponse, attention, 3, 2, 1. Génération, oh, non, yes. Alors, qui ont eu les bonnes réponses, Esther? Alors, il y a Inès, Bastien et Tom 26 qui ont eu les bonnes réponses. Yes. Du coup, un point chacun. Voilà, le non, on l'avait pas compté, mais on l'avait pas compté dans les mots à trouver, mais vous l'avez mis donc. Ouais. Donc, c'est bien. Et quand c'est un peu trop tard, on compte plus parce que c'est. Excuse-nous. Tu as pu compter. Ça, en fait, on compte comme de la triche. Tu as pu recopier sur les autres. Ouais, on ne sait pas. Parce que pour nous, en plus, on avait lancé la réponse quand on l'a reçu, ton message. Voilà, excuse-nous. Exactement. Mais peut-être qu'on aura le téléphone plus tard. Ouh, putain, on tease trop dans cette émission. C'est vrai. Alors, la prochaine, je l'adore. Bon, là, par contre, si vous l'avez pas trouvé. Il y avait la trompette, on l'a loupé. Ah, c'est pas grave. Si vous avez pas trouvé, si vous trouvez pas là, c'est que. Ah, cette chanson elle est exceptionnelle. Oui, oui, vraiment. C'est la chanson de notre jingle de cette de spécial Noël. Attention, on vous le met. C'est vous du dit Maria, même... c'est du carré, c'est du Maria Carré. C'est excellent ça. Bon, alors, attention, Maria Carré, All I Want for Christmas, c'est tout de suite. Il y a 7 mots à trouver. Ouais, voilà, 7 mots à trouver. Il faut les trouver, sinon vous perdez. Qu'est-ce qui manque? On fait des apparitions comme ça. Donc il y a 7 mots à trouver, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai pas pris le moment le plus simple de la chanson, évidemment, parce qu'il faut laisser un peu de difficulté quand même. Oui, oui, oui. Mais bien, Maria, ma vie. Laisse trop le feu cette musique. Ouais, vraiment. Moi en fait, il y a que cette chanson que j'aime bien après. De Maria, ouais, c'est la seule que je connais vraiment en fait. C'est la vrai. Seule que j'ai vraiment écoutée. Non, Emotion, je l'aime trop, mais je préfère la version de d'Ariana quoi. Oh là là. Et Tom, Ariana, pas que All I Ariana. Want for Christmas à la spéciale Noël, on la mettra en entier. Évidemment qu'on la mettra en entier. Pas. Voilà. Alors, Kelly qui nous dit I just want you for my own. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? On va voir. On verra la réponse. Notre réponse. Bastien qui dit la même chose, Inès qui dit la même chose, Sandrine qui complète en disant la même chose. Oh là là, tout le monde arrive en même temps. Sarah qui débarque. Attention, on va écouter la bonne réponse. Ouvrez bien vos oreilles. Morden, you could, vous vous en souvenez encore hein, quand on l'avait chanté. Je suis en train de dégueuler les points, désolé. Alors, les bonnes réponses étaient de... C'était I just want you for my own, mais Sandrine qui a dit I don't want you for my own, mais je vais compter quand même. Non, c'est faux. Ok, je compte pas. Et attends, tu as raison, tu as raison. Les propositions qu'on a, on est trop populaire. Mais quand même, maman, elle date de 98, la musique. Ouais, en plus, on était pas nés, nous. Mais oui. Donc qui ont les bonnes réponses? Alors, Kelly, Bastien et Inès, Sarah, qui ont un point de plus chacun. Voilà, excuse-nous Tom, tu es arrivé un petit peu trop tard. Je pense que c'est en rajoutant le cool des venants. Oui, voilà, en fait, il fallait juste dire... Faut écouter le nombre de mots aussi qu'on, ouais, qu'on demande, parce qu'on mots, a 17, ça fait Tom. Un peu plus. Mais c'est la pas grave, tu peux te rattraper sur la prochaine chanson. Que tout le monde connaît. Ouais, je sais pas pourquoi monde. J'ai mis celle-là, mais je suis tombé dessus. J'ai dit, bon, bah c'est bon, on va la mettre. Ouais, c'est, ouais. C'est marrant. C'est Kinvé, j'aimerais trop. Attention, extrait. J'ai oublié de dire combien il manquait de mots. Il en manque deux. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, et tout le monde gagner. A trouvé. Ouais, tout le monde trouve. Faut être extrêmement rapide. Attention, top. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Il faut que. Il aimerait trop que qui l'aime. Oui. Deux mots à trouver. J'aimerais dit, trop qu'elle m'aime qui. Hyper simple. Ah oui, il aimerait trop qu'elle m'aime, mais qui? Enfin, qu'elle aime. Enfin, bon. Stop. On attend vos réponses. Ah là là, j'écris plus aussi. Ah, mais c'est oui, c'est les risques du métier. Et Bastien qui fait les ouh, baby. Il a tout fait, genre. Il viendra nous chanter. D'ailleurs, descends, Bastien, c'est l'heure de ton coucou dans quelques secondes, juste après que tu aies mis la bonne réponse. Alors, ou Kelly la mauvaise, qui dit Mademoiselle Valérie, Kelly, c'est bien la seule. Une des seules chansons de française que tu connais peut-être. On verra peut-être. La réponse. Oh, elle est sous suspense. Je laisse. Je suis pas sûr du tout, tu vois, elle le dit. Eh ben, écoutez, on a déjà pas mal de propositions. On va direct écouter la bonne réponse. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non. On s'est gavé. On s'est trop ambiancé. Évidemment, ah oui. Kelly, Bastien, Inès, Tom et Sandrine ont eu la bonne réponse. Oui. Et Sarah aussi, on l'a écrit un peu plus. Sarah, bon. Alors, je vais récapituler les points. Alors, il y a Bastien qui a 25 points, Inès 26, Sandrine 9, Kelly 15, Tom 7, Sarah 2. Ah, voilà. C'est l'heure du coucou de Bastien. Bastinouné qui est là. Qui est là, Bastinouné? Bastinouné qui a réussi le N'oubliez pas les paroles avec talent. Oui. Eh oui, évidemment. Eh oui, évidemment. Comment ça va, mon petit bouloulou? Ça va, ça T'es va. T'es content de venir faire ton petit coucou? Oui, mais je suis fatigué. Oh, il est fatigué. Tu voulais nous faire tes petites phrases, des trucs d'archiduchesse, tout ça, tout à l'heure. Ouais, oui. C'est facile à dire. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, la première, c'est suis-je bien chez ce cher Serge? Ah, bien. Suis-je bien chez ce cher Serge? Et la deuxième, c'est la France se désolide. Oula, pardon. Ouais, bah voilà, tête, oh ouais. La France se désolidarisera-t-elle un jour? Ah, la oui, France pas mal. Se désolidarisera-t-elle un jour? J'étais c'est presque. Pas bon, c'était pas bon. J'étais presque, la ça France va. La France se désolidarisera-t-elle un jour? La France se désolidarisera-t-elle. Oula, j'ai bugué. La France se désolidarisera-t-elle un jour? Ah, pas mal. Ah, pas mal, Hugo. C'est déjà la mieux. France se désolidarisera. Non, mais je vais arrêter d'essayer, en fait, j'arrive pas. Et après, enfin, attends, ouais. Peut-être je vais pas y arriver. C'est un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Attends, oui, un chasseur sachant chasser. Attends, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser. C'est bon, ça m'a énervé. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ouais, presque. Ah, vous y êtes presque. Ouais, mais c'est encore bon. Ça. Oh, c'est ouais, dur. Et oh, dites-nous si vous y arrivez aussi dans le chat. Non, putain, son nouvel album, ma vie, c'est fini. J'ai pas écouté son nouvel album. Hein. À qui? À Maria Carré. Ah, mais non, de toute façon, moi je connais mais que Ola Yvonne. Parce que c'est Maria, c'est Carré, c'est Maria Carré. Et oui, MDR et la mienne, mais tu parles de quoi, Tom? Qui n'est pas allé la voir? Attends, oui, c'est ta sa phrase à Tom, ah, là, d'avant. Oui. Ah oui, réussi, je l'ai faite dans ma chambre. Oui. Attends, ah. Je vais aller la voir, je vais essayer de la lire. Ah ouais, allez, ouais. Attends. Sachez que le sage Sacha achète ses 6 serges chez Sancho le changeur et que le chien du sage chasseur chasse ses 6 chats dans les souches sèches des sauges sauvages. Eh bien. Wouh. Ah mais en même temps il apprend ça à son école, Tom, tu m'étonnes. Oui. Attends, c'est clair. Je vais essayer. Sachez que le sage Sacha achète ses 6 serges chez Sancho le chargeur et que le changeur, pas le chargeur. Ah c'est bon. Et que le chien du sage chasseur chasse ses 6 chats dans les souches sèches des sauges sauvages. Je vais essayer, ça va, j'ai bien parce réussi. Que si je veux rentrer dans l'école, vas-y, il faut que j'aille. Vas-y, vas-y. Sachez que le sage Sacha achète ses 6 serges chez Sancho le changeur et que le chien du sage chasseur chasse ses 6 chats dans les souches sèches des sauges sauvages. Pas mal. Oh. Oh. En vrai, c'est plus facile à dire en le lisant que ouais. sans ouais, le lire. C'est sûr. Donc, voilà, donc attends, je vais le réessayer sans dire chargeur. Sachez que le sage Sacha achète ses 6 serges chez Sancho le changeur et que le chien du sage chasseur chasse ses 6 chats dans les souches sèches des sauges sauvages. Oh ah, pas j'ai mal. Réussi. Et le mien oui, oui. Essaye de redire le mien. Laquelle déjà? C'était... Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce cher Serge? Suis-je bien chez ce... Chez... Attends. Chez ce... Suis-je bien chez ce cher Serge? Pas vite. Mal. Suis-je bien chez ce faut cher Serge? Faut le faire Serge. Sans lire. Oh, pas mal, pas mal. Mmh, faut le faire sans lire. Ouais, mais on le connaît pas par cœur. C'est, c'est ça le problème. Bastien, est-ce que tu seras avec nous pour la spéciale jour de l'an? C'est quand? Le 30. Décembre. Tu feras une chanson karaoké au moins? Non, moi je chante pas. Et ton petit coucou, si t'en feras oh. une. Non. Si tu seras pas tout seul à chanter. Tout le monde fait bouh dans le chat. Bah, tu crois qu'avec nous il y aura des auditeurs qui resteront. Et je sais pas, ça dépend si je suis là. Mais oui. Évidemment, vous nous noterez dans le chat quand on chantera. Évidemment, ce sera une note basse en dessous de 10 sur 20. Donc, mais on s'y attend, ne vous inquiétez pas. Faut le faire sans lire. Ouais, sans lire c'est plus facile. Ouais, mais on la connaît pas par cœur. Faudrait la prendre. Une fois qu'on la connaît, c'est tranquille. Bah ouais, tu m'étonnes. Après, à force de répéter, tu dois la connaître par cœur quoi. Attends, je vais essayer. Je vais me la mettre. Mais sachez que le sage Sacha achète ses 6 serges chez Sancho, le changeur, et que le chien du sage chasseur chasse ses 6 chats dans les souches sèches des os, des sauges ouais, sauvages. Non, ah, c'est chicha. Oui, bah c'est bon. Hein. Bon voilà, qu'est-ce bon, que voilà. Qu'est-ce que tu avais un truc à nous dire sur cette semaine ou pas? Sur cette semaine. Bah qu'est-ce que t'as fait cette semaine ou quoi? Un petit truc qui t'a plu? T'as ah, été voir ouais, Booba, j'ai tout vu ça. Des voitures brûlées. Ah oui. Ah bah super. À côté de mon lycée, quand j'allais super. À la cantine le soir, il bah, y avait des voitures qui étaient en train de cramer. Voilà. Du coup, bah, elles étaient, y avait des pompiers et puis voilà. C'est tout. Et t'as été voir Booba aussi? Ah ouais, c'était quand? Mais c'était vendredi soir. Vendredi. Ah bon? Ouais, j'étais voir Booba au Mistral. Ah il y avait un showcase. Vrai, bon, yes. Par contre, en vrai, je suis arrivé là-bas, il était 23h30 avec des potes à moi. Un coup de gueule de la semaine. Ouais, ouais, ça c'est un coup de gueule. Et en gros, c'est le Mistral à Aix, mais c'est une boîte, elle est pas ouf. Et du coup, c'est vachement petit. Et donc, de 23h30 à 3h du matin, on a attendu qu'il arrive parce qu'on savait qu'il allait arriver tard. Sauf qu'il y avait un monde, mais horrible. En plus, on peut fumer dans la boîte, c'est oh tout petit. Du coup, on se faisait pousser dans tous les sens, ça pue, on n'arrivait pas à respirer. Et après, du coup, Booba, il est arrivé, il est resté 25 minutes. Bon, ça, bon, ça ah ouais. C'est que dalle. Mais donc, bon. Pendant ouais. qu'il était là, c'était bien, sauf qu'il y avait beaucoup trop de monde, on était écrasés de partout. Ouais. Et du coup, voilà, quand c'était fini, 3h30, je suis parti. Je suis rentré chez moi. Je me suis couché, en tout, il était 4h30. Et le lendemain, à 6h45, je me suis levé parce que j'avais 4h de DS beaucoup le samedi. Trop jeune, wow. Le Mistral gagnant, non Tom, c'est pas le autant même dire que le DS était assez compliqué. Bah tu m'étonnes. Voilà. Bastien, allez. Ah, yes. Esther le fait mieux que toi, bah ça me fait plaisir. Mais donc, salut va, tu arrives un peu à la fin, mais c'est pas grave, écoute, tu écouteras le replay sur Spotify. D'ailleurs, je vais oui. vous l'afficher, boum, sur Spotify et Google Podcast. Ce sera oui. gratuit. Et ce sera disponible dans la nuit. Voilà, exactement. Donc pour demain matin, pour bah, les je bus, crois qu'on va se laisser à l'heure voilà. en fait. Pour la 19h, oh, on finit à l'heure. Mais oui. On a commencé à l'heure, on finit à l'heure. Oui. Ben pourquoi pas, continuer comme ça. Ouais, ouais. Bah, non mais ça va. D'habitude quand on termine plus tard. Non, vers, donc ça fait tard. Encore plus de ce Buzz Radio, encore plus de bonne humeur, tout ça. Exactement. Vous nous aimez, enfin je pense. Oui. Non. Et j'espère. Quoi ah. non. Oh. Oh. Oh. Plus de coucou de Bastien. Oh. Plus de coucou de Bastien la nuit. Ah. Bon Bastien. C'est le coucou. C'est le Bastien. C'est le coucou. C'est vrai qu'il faudra faire un jingle. Bon, on verra. Ouais. À toutes les émissions tu le dis. Hein. Peut-être. Peut-être pour la 2000. Elle est en 2019. Ouais, ou dans bon. L'année 2020 peut-être. Oui, voilà. Et qui te dit qu'en 2020 on sera pas là? Ouais, ah, bah, c'est vrai. Ouais. Et en 2020 on sera peut-être toujours on sera là. La meilleure émission de radio. Ouais, best emission radio of the world. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Oui, ça veut rien dire. Il est 19h, les replays seront à réécouter sur Spotify, Google Podcast gratuitement quand vous, vous voulez. Vous tapez Zbazi Radio dans la barre voulez, de recherche. Voilà, Zbazi Radio comme c'est écrit. Vous le tapez partout. Vous nous suivez aussi sur Insta, Twitter. On vous met des petites stories Insta. On vous met des petits trucs sur Twitter. Oh, voilà. Une heure, c'est court quand même. Ouais, mais c'est pas mal. Hein. Déjà, préparer, c'est long. Alors, oui. Donc, écoute, on peut pas faire plus longtemps. Mais ne t'inquiète pas, pour Noël et jour de l'an, ça risque de durer une heure et demie, voire même peut-être deux heures ouais. pour le jour de l'an. C'est trop vrai. Bien. Voilà, tu seras avec nous quand même pour la jour de l'an, Bastien. Fais-moi plaisir, dis oui. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Non mais non, oui, normalement oui. On verra. Là, oui. D'accord. Il y aura Alice aussi ça. Avec nous. Oui. C'est qui Alice. Oui, ouais. Il y aura ouais, Alice. C'est bon, je la connais en plus. Voilà, donc ce sera. Regarde ce que dit Sandrine sur toi, Bastien. C'est toutes les semaines qu'il pécho, Bastien. Un petit Bastien. Bah ouais, chaud, normal. Hein. Bah ouais, voilà, logique. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure. Sur hashtag et de toute façon toute la semaine sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer. Mettez les petits j'aime aussi pour nous dire que vous aimez ça. Sur ce live. Ça nous prouve que vous nous aimez. Que et faites du bouche à oreille. vous dites ouais, écoute Spazi Radio. Ouais, c'est trop le feu, tu finis le week-end en bonne humeur et voilà. Tout avant de redémarrer la semaine, c'est oui, génial. T'as d'être à dimanche on prochain. On s'éclate, voilà. Et puis nous, on vous retrouve dimanche prochain, même jour, même heure, ça ne veut rien dire parce que j'ai dit dimanche, mais bon, c'est pas grave. Allez, ciao. Ciao. Ciao. Spazi Radio de retour dimanche prochain à 18h sur hashtag.